Michel de Zero à 10. Oui, bonjour, c'est Sarah de l'équipe Piano en ligne. J'ai regardé la liste des inscrits à la conférence et j'ai vu que vous n'étiez pas encore connecté. Je vous ai renvoyé un lien par mail. Pensez à vous connecter depuis un ordinateur parce que parfois par téléphone portable, ça peut bugger un peu. Et voilà, je vous invite vraiment à venir, ça va être un super moment. Et ça vient tout juste de commencer, donc vous n'avez pas raté grand-chose. Et voilà, vous pouvez aller voir vos mails et vous aurez un lien pour vous connecter. Et on se retrouve tout de suite dans la conférence. À tout de suite.